إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans le livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et avec son charh, le charh du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et donc on a terminé au dernier cours l'introduction du livre et là donc on commence le texte. Tayyib, on commence inshallah. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit dans le début de son livre Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est-à-dire notre aqida, notre croyance, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestination, c'est-à-dire de croire au bon et au mauvais, de ce qui a été prédestiné pour nous. Et le cheikh, il explique. Donc, premièrement, aqidatuna. Il dit: ثم شرع المؤلف ببيان العقيدة بالتفصيل فقال aqidatuna. Donc, il va expliquer maintenant la aqidat des musulmans, la aqidat d'Ahlus Sunnah wal Jama'a en détail. Et donc, il dit notre aqida, notre croyance. Puis il explique les éléments de la foi. On a expliqué les 6 piliers. Parce que les choses qu'il a mentionnées comme faisant partie de notre aqidah, c'est en réalité les 6 piliers de la foi qui sont mentionnés dans le hadith de Jibril. Donc il dit: wa qawluhu aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi, hadha mujmalul aqidah. Wa lihadha dhakarahu Sheikh al-Islam رحمه الله في العقيدة الواسطية وبنى كتابه على ذلك. Donc il dit que les choses qui sont mentionnées ici, quand le cheikh il dit que notre aqida c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, c'est-à-dire du bien, le bien et le mal de ce qui a été prédestiné pour nous, ça c'est, si on veut, la aqida, la croyance de façon générale. Ça c'est, en gros, c'est ça la aqidah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Aqidah al-Wasitiyah, il a bâti son livre sur ces 6 piliers de la foi. Et il a établi le livre dans cet ordre. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a donc suivi ce modèle-là ou cet exemple-là. Et il dit: والدليل على هذا والدليل على أن هذا مجمل العقيدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام فأخبره ثم قال فأخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإن قال قائل في حديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يقل وأنبيائه مع أن النبوة أعم في هذا فهذا محل إشكال قلنا هذا إشكال جيد وهو محل إشكال. والجواب عليه أنها تدخل في الإيمان بالكتب وكتبه، لأن الكتب أقرت الأنبياء والرسل لما كانوا أشرف من الأنبياء ذكرهم بالنص. Donc le cheikh il explique que la preuve de cette aqidah, de cette croyance générale, c'est basé sur le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a posé la question en disant « Informe-moi au sujet de l'islam ». Et il lui a expliqué qu'est-ce que c'est l'islam. Après, il a dit « Et informe-moi ce qu'est l'iman », c'est-à-dire la foi. Et il lui a donné l'explication des six piliers, hein, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination du bien et il y en a de qu'est-ce qui a été prédestiné de bien et de mal. Donc si une personne demande que qu'est-ce qu'il a mentionné dans les six piliers de la foi, il a mentionné la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, mais il n'a pas dit en ses prophètes. Alors que yani, la prophétie c'est quelque chose de plus général que de façon générale c'est disons un nabi c'est plus général que un rasoul, le prophète c'est plus général que le messager. Donc pourquoi il n'a pas mentionné ainsi que de croire en ses prophètes? Et le cheikh il explique et il dit que yani, ça c'est un bon point. Et si on regarde, en fait, la réponse à ça, c'est que lorsqu'on dit qu'on doit croire en les livres, eh bien, le fait de dire qu'on croit en les livres, ça implique qu'on croit aussi en les prophètes, parce que dans les livres, on nous ordonne de croire aux prophètes. Et étant donné que les messagers sont plus honorés et plus nobles que les prophètes, donc il les a mentionnés textuellement dans les éléments de la foi. Tandis que les prophètes, ils sont inclus dans la foi en les livres. Hein, puisque ça fait partie de ce qui est mentionné dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit فَنُؤْمِنُ بِرُوبِيَةِ اللَّهِ. Donc là maintenant il va expliquer la foi en Allah, qu'est-ce que c'est, parce qu'il va expliquer chacun de ces piliers de la foi un par un, et il commence par le plus important de ces piliers de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit فَنُؤْمِنُ بِرُوبِيَةِ اللَّهِ أي بِأَنَّهُ الرَّبُّ الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. C'est-à-dire, nous croyons donc en la rububiyya d'Allah, le Très-Haut. C'est-à-dire qu'il est le Seigneur, Rabb, le Créateur, hein, qui règne en maître absolu sur la création et qui gouverne tout, hein, et qui gère toutes les choses, qui contrôle toutes choses. Donc le Cheikh, il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette partie-là. Il dit معنى الرب الخالق وهو الخالق وحده فإذا أضيف الخلق إلى فإذا أضيف الخلق إلى الخلق فليس المراد الخلق الإلهي بل المراد التغيير فخلق الإنسان الباب من خشبة أو من الخشبة فليس خلقا في الواقع ولكنه تغيير فبدل ما كان خشبا قائما صار بابا وأيضا جميع المعدات على اختلاف أنواعها من حديد وبلاستيك وغيرها هي من صنع الإنسان لا شك لكن لا يقال إنه خالق بل مغير فنقل هذا الحديد إلى شكل معين والنقل مرخطة مخرطة مثلا فالذي يقوم بخرط الحديد لا يخلق الحديد إذن ليس خالقا لكنه مغير. Donc le cheikh il explique ici que la signification du terme Rab, qu'est-ce qu'on dit en arabe, Rab, c'est le créateur en réalité, c'est le seigneur, le créateur, le maître. Donc c'est lui le seul créateur. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette création. Hein? il n'y a pas d'autre créateur que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a tout créé. Et donc, quand on appelle une personne, un être humain, on dit qu'il est un créateur, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il a créé en réalité, qu'il est un créateur pour de vrai, mais plutôt qu'il est quelqu'un qui change les choses ou qui transforme les choses. Mais il n'a rien créé. Parce que quand on parle du créateur, on parle de celui qui a créé à partir de rien. Celui qui a créé à partir du néant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a la capacité et qui est capable de créer à partir de rien. Qui est capable de créer à partir du néant. Tandis que les créatures, elles, quand elles créent des choses ou elles fabriquent des choses, elles ne les créent pas à partir de rien, elles les créent à partir de quelque chose qui existe déjà et elles le transforment. Elles changent sa forme. Et donc le cheikh, il donne un exemple, il dit par exemple, un morceau de bois, tu le prends et tu travailles dessus, tu le transformes en une, ça devient une porte. Hein? Ou bien par exemple, il y a d'autres choses que tu peux fabriquer avec différents matériaux comme du métal ou du plastique, hein, du fer, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses que l'être humain fabrique, hein. Mais on va pas dire de l'être humain que l'être humain est un créateur dans le sens qu'il crée à partir de rien. Non, parce qu'en réalité, il crée pas. Il crée pas à partir de rien. Il fait juste, hein, transformer des choses qui existent déjà pour en faire quelque chose d'autre. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que l'être humain est un transformeur, mais n'est pas un créateur. Oui, l'origine, c'est ça, la matière elle-même, les atomes qui composent la matière, c'est qui est-ce qui les a créés, ça? C'est qui l'a fabriqué? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Personne parmi les êtres humains est capable de créer quelque chose à partir de rien. C'est pas possible. Donc un être humain est capable de fabriquer un micro, un ordinateur, une table, une porte, des lumières, toutes sortes de choses. Mais tout ça, elle le fabrique à partir d'éléments qui existent déjà. D'accord? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il crée à partir de rien. Et allez, si tu l'utilises dans le sens que tu le dis, dans le sens qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, que l'être humain, par exemple, quand il crée quelque chose, c'est dans le sens qu'il a transformé quelque chose. Ça, oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas dire d'un être humain qu'il est créateur dans le sens, comme on dit, qu'est-ce qu'on dit à propos d'Allah. Parce que c'est seulement Allah qui crée à partir de rien. Donc on comprend que lorsqu'on l'utilise pour un être humain, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire la même chose. Le cheikh dit, فَالْمَلِكُ التَّامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَالْمُلْكُ التَّامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى مُلْكِي لِلْقَلَمِ ليس ملكا تاما لأني لن أستطيع التصرف فيه إلا حسب ما أذن لي إذن الملك غير تام الملك غير تام لكن للرب عز وجل ملك تام فالرب عز وجل يملك أن يصيب بعيري مثلا بأشد الأمراض والبلاء وأنا لا أملك أن أجرحه بالمشرط إلا لمصلحة إذن ملك بني آدم غير تام وملك الله تام. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est Ar-Rab, ça signifie également qu'il est Al-Malik. C'est-à-dire qu'il est le maître, qu'il est le propriétaire, celui qui détient tout, qui est le propriétaire et le roi de toutes choses. Donc, il est le maître absolu et total de tout ce qui existe. Donc, moi, par exemple, tout ce que je possède des choses. Mais les choses que je possède, je ne les possède pas de façon complète et absolue. Hein? C'est-à-dire que ma possession des choses, elle est limitée. Si par exemple, tu vois que je possède par exemple ce stylo, eh bien le cheikh, il donne l'exemple de ça. Il dit, par exemple, qu'est-ce que je dis quand je dis que je possède ce stylo? C'est pas de façon absolue, dans le sens que je peux pas l'utiliser excepté de la manière qui a été, de ce qui est permise, hein, de la façon qui a été permise. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, quand lui il possède quelque chose, il peut faire avec ce qu'il veut et de la manière qu'il veut. Par exemple, il dit aussi, si j'ai un animal, par exemple, et que cet animal-là, il m'appartient, mais Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il peut rendre cet animal-là malade, hein, et moi, je ne suis pas capable, hein, de contrôler sa situation, qu'il soit malade ou en bonne santé ou des choses de ce genre. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui décide. Si cet animal est en bonne santé, ou si elle est malade, ou s'il est capable, ou s'il n'est pas capable, et ainsi de suite. Donc, la possession de la créature, elle est limitée. Elle n'est pas complète. Les choses que l'être humain possède, il ne peut pas gérer tout et contrôler tout ce qui se passe dans cette possession-là, dans ce qu'il possède. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il décide de tout et il contrôle tout, et tout ce qui existe dans l'univers lui appartient à lui seul, et il peut faire ce qu'il veut avec, comme il veut. Et les choses qui nous appartiennent à nous sont à nous, mais de façon relative, si on veut. Hein, nous appartiennent de façon relative. Le cheikh, il explique ça encore, il donne d'autres exemples. Il dit: Fahou al-mudabbiru li jami' al-umur, wa tadbiruhu li hawa'ijina wa umuri baytina. ليس التدبير المطلق تدبيرنا لحوائجنا وأمور بيتنا ليس التدبير المطلق ولو أراد الإنسان أن يدبر بيته على الوجه على وجه لا يرضاه الله فإنه لا يملك ذلك ولكن الرب عز وجل يملك ذلك يملك الأشياء على ما تقتضيه الحكمة من خير وشر فإذا قيل كيف الإيمان بالله فهذا هو التفصيل فنؤمن بربوبية الله أي أنه الرب الخالق المدبر الملك المدبر لجميع الأمور. Donc le cheikh il explique également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle toutes les choses dans l'univers et tout ce qui existe, et pour expliquer que nous, on peut contrôler par exemple certaines choses dans notre maison ou dans qu'est-ce qui est dans notre entourage, mais notre contrôle de qu'est-ce qui nous entoure, il est limité. Hein? On n'est pas capable de faire des choses de façon absolue. Donc si par exemple quelqu'un voudrait gérer dans sa maison des choses d'une manière qui ne satisfait pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il ne détient pas la capacité de faire cela. Il ne détient pas le droit de le faire. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut faire tout ce qu'il veut selon ce que sa sagesse implique, comme bien ou comme mal, selon ce qui est impliqué par sa sagesse. Donc le cheikh il dit et si on dit qu'est-ce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comment on définit la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien si on veut donner les détails à ce sujet-là, on commence en disant que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire premièrement en sa rububiyya. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître, le créateur, le détenteur, celui qui dirige et qui contrôle tout dans l'univers. Et ça, c'est le premier élément, si on veut. Le cheikh, il dit, وَهَذِهِ هِيَ الرُّبُوبِيَ. C'est ça la rububiyya. Et ça comprend ces trois choses qu'on a mentionnées. الْخَلْقُ وَالْمُلْكُ وَالْتَدْبِيرُ. Al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Donc, le cheikh il explique, il dit, هذه هي الربوبية وتتضمن ثلاثة أشياء. أولا الخلق فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ثانيا الملك فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء. وثالثا التدبير فالتدبير كله لله. Donc, quand on parle de la rububiyya, ça comprend trois choses. Et ça implique trois choses. La première, c'est la création. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. La deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que tout appartient. Donc c'est lui le propriétaire de toutes choses, le maître de toutes choses. Et la troisième, le contrôle. Et la gestion, disons, celui qui s'occupe et qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. Donc c'est lui le créateur de toutes choses, personne n'a créé autre que lui, c'est à lui que tout appartient, donc il est le maître de toutes choses, et c'est à lui que, ou c'est lui plutôt qui contrôle tout ce qui se passe, et le contrôle donc tout entier est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit ensuite وَالدَّلِيلُ الْخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ قَوْلُهُ تَعَلَى أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَالْخَلْقُ وَاضِحُ وَالْأَمْرُ هُوَ التَّدْبِيرُ. Donc la preuve de ça, c'est le verset 54 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Donc ça c'est la preuve de la création et du contrôle, puisque c'est à lui qu'il dit, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre, hein, le commandement, l'ordre et le... Donc la création et le commandement, ça lui appartient. Et ça c'est, yani la preuve que c'est à lui que revient l'ordre et c'est à lui que revient la création. Également, mais il y a beaucoup d'autres preuves, là c'est juste une preuve parmi des centaines et des milliers de preuves que le cheikh a mentionnées. Il a choisi celui-là parce qu'il est plus simple, il est plus court à mémoriser, donc c'est facile. Ala lahul khalq wal amr. Le verset, l'autre, la preuve de Al-Mulk, c'est le verset 189 dans sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi mulku samawati wal ard. Et ce verset-là, il y en a plusieurs endroits dans le Coran qui le mentionnent. C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est à Allah qu'appartient le yani tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. فهذه الامور الثلاثه هي معنى الربوبيه. Donc ces trois choses là, c'est ça qui signifie, hein, c'est ça que la ruboubiyya signifie. Al-khalq wal am al-khalq wal mulk wat tadbir. Al-khalq wal mulk wat tadbir. Al-khalq wal mulk التدبير يرحمك الله ها تدبير ça veut dire le contrôle. يدبر الامر يدبر الامر يدبر الامر ça veut dire contrôle, hein, toute chose. الخلق الملك التدبير التدبير. C'est ça la signification de Ar-Rububiyya. Al-Khalq wal-Mulk wal-Tadbir. Ok. Wa dalilul Khalq wal-Tadbir, on l'a donné. Dalilul Mulk, on l'a donné. Donc, ça c'est les trois choses. Hadhihi hiya al-umur al-thalatha. Wa hiya bima'na Ar-Rububiyya. Fa in qala qailun, alaysa l'insanu yusafu bil-Rububiyya? فيقال رب الدابة ورب البيت قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وقال في حديث آخر أن تلد الأمة ربتها وفي بعض يعني هذا كما في بعض ألفاظ البخاري. الجواب أن الربوبية المضافة للمخلوق ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق وهذا كما أن الإنسان له سمع ولله والله له سمع ولكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق فكذلك الربوبية. Donc quelqu'un pourrait poser la question, comment ça se fait que, hein, on parle de la ruboubiyya à propos de certains êtres humains parfois? C'est-à-dire qu'on décrit certaines personnes comme étant des seigneurs, hein, ou des maîtres, ou des seigneurs. Même en arabe, on va dire Rabbud Dab, ou Rabbul Bayt, hein, et en français même, on l'utilise. Le Seigneur de par exemple de des terres, le Seigneur de ce lieu, le Seigneur de tel endroit ou des choses comme ça. Surtout dans le passé, on utilisait surtout ça. Maintenant, c'est moins employé. Mais dans ce sens-là, c'est yani c'était utilisé pour désigner le propriétaire d'un lieu ou des choses de ce genre. Le cheikh, il explique, il dit que on a le droit de dire ça lorsque c'est relié à une créature. Par exemple, tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait un exemple à propos d'un chameau qui est perdu. Quelqu'un qui a perdu son chameau, par exemple, ou sa chamelle. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a posé la question à propos de la chamelle qui est abandonnée, hein, ou bien qui est perdue, on ne sait pas où est-ce qu'il, c'est qui son maître, à cette chamelle, elle se promène. Il dit, laisse-la. Laisse-la, elle a son breuvage, elle a quoi boire, elle a quoi manger. Hein, elle va manger des arbres, elle va boire de l'eau, jusqu'à ce que son maître la trouve. Il a dit son maître en voulant dire son seigneur. Hein, Rabbuha. Rabbuha. Donc ça dit le propriétaire de cet animal, le maître de cet animal. C'est ça qu'on veut dire. Également dans le hadith de Jibril, quand il pose des questions au sujet des signes du jugement dernier, il dit wa antalid al amatu rabbataha, c'est-à-dire que lorsque la servante, lorsque antalid al amatu, donc l'esclave va mettre au monde sa maîtresse. Oui, l'esclave va mettre au monde sa maîtresse. Ça, c'est un des signes du jugement dernier. Certains ulama ont interprété ce hadith-là en disant que, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, les enfants vont devenir les maîtres de leurs parents. Hein? Et ils vont traiter leurs parents comme des esclaves. Et non, comme des servantes. Hein? Ils vont traiter leurs parents, leurs mères, comme des servantes. Ça c'est le cheikh, il explique ça en disant que lorsqu'on utilise le terme de seigneur, rububiyya en arabe, le terme rab, on l'utilise pour une créature, c'est pas comme dans le même sens que lorsqu'on l'emploie pour le créateur. OK, parce que quand on l'utilise pour décrire le créateur, c'est dans sa forme absolue et c'est dans son sens absolu. Hein? Et c'est comme lorsqu'on utilise par exemple Louis, hein, on dit par exemple, on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Et les êtres humains aussi, ils entendent. Hein? Mais Louis, par rapport au créateur, c'est pas comparable à Louis par rapport aux créatures. Donc, la même chose pour la rububiyya. Donc, quand on dit Rab à propos d'une créature, c'est pas la même chose que Rab à propos du créateur. Donc, c'est comme ça que le cheikh l'a expliqué. وإن قيل أليس الله تعالى قد أثبت الملك للمخلوقات كما قال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكت أيمانكم. فالجواب بلى، ولكن يقال الفرق عظيم. فملك الله سبحانه وتعالى تام شامل، أي يفعل في ملكه ما يشاء، شامل لكل شيء، يعني شامل لكل شيء سوى الله. أما ملك الأدمي فقاصر مقيد، فلا يملك كل شيء. ثم ملك الإنسان لشيء ليس ملكا مطلقا يفعل ما يشاء، بل هو مقيد بالشرع، ولهذا نهي عن إضاعة المال، ونهي عن إفساده، ونهي عن التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان ولكنه لا يستطيع، لأنه ممنوع منها. Donc le cheikh, on lui a posé une autre question dans ce sens, dans le même sens que la question précédente. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a affirmé la propriété à des créatures, que c'est-à-dire que certaines créatures sont propriétaires et possèdent certaines choses, et il mentionne comme exemple le verset 61 dans Sourate An-Nur et le verset 3 dans Sourate An-Nisa. Et dans le verset 61 dans Sourate An-Nur, il dit أو ما ملكتم مفاتيحه, c'est-à-dire où les demeures dont vous possédez les clés. Donc ça veut dire qu'un être humain peut posséder quelque chose. Ou ma malakat aymanukum, en parlant des esclaves, c'est-à-dire que ce sont ceux que votre main droite possède. Et ça, c'est la preuve que l'être humain peut posséder des choses. Et donc, comment on peut expliquer que on dise des créatures qu'elles possèdent, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout, et c'est lui Al-Malik. Donc le cheikh, il explique, il dit il y a une grande différence entre les deux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il possède, ça c'est de façon absolue et complète et totale. Hein? Il fait ce qu'il veut dans ce qu'il possède et dans sa création et dans son royaume. Et ça comprend toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la possession des créatures et des êtres humains, ça c'est quelque chose qui est restreint, qui est limité. Donc l'être humain, il ne possède pas toute chose, il possède seulement certaines choses. Et en même temps, lorsqu'il possède une chose, eh bien il ne la possède pas de façon absolue, et il ne peut pas faire avec tout ce qu'il veut. Hein? Il doit se limiter bien entendu à ce qui a été légiféré dans ce qu'il possède. Et c'est pour cette raison qu'il a été interdit par exemple de gaspiller ses biens. Et il a également été interdit de faire yani quelque chose qui va corrompre ou détruire ses biens. Et il a été également interdit de se comporter d'une manière qui est illicite et interdite avec ses biens. Donc l'être humain, yani, il ne peut pas faire ce qu'il veut et comme il veut. Hein, parce que cela est interdit. Et là, il dit ensuite: wa in qila alaysa lil insan tadbir, fal jawab an naqul bala yudabbir walakin laysa mithl tadbir Allah, fa Allah ta'ala yudabbiru al amr fi kulli shay, amma al insan fa tadbiruhu khassun bi nafsihi aw bi milkihi alladhi yamlikuhu. إذن نؤمن بربوبية الله أي أنه الرب الخالق المدبر الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. Donc le cheikh, on lui a posé la question encore une fois, ou bien on pose une question, on donne un exemple. Des fois le cheikh, il pose des questions juste pour voir si les gens ont compris, hein. Il leur pose des questions pour les faire réfléchir à la réponse. Donc il dit, et si on vous dit par exemple, n'est-ce pas que l'être humain, il contrôle certaines choses lui aussi, hein? On peut voir par exemple que certains êtres humains, ils ont par exemple un contrôle sur certaines choses. Et le cheikh, il dit, en effet, oui, hein? L'être humain, il peut avoir un certain contrôle, mais c'est pas un contrôle qui est comparable à Allah. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle des choses, mais il n'a pas un contrôle comme Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout, tandis que l'être humain, il contrôle juste des choses qui se limitent à sa propre personne ou à des choses qu'il possède et des choses de ce genre. Et même encore là, des fois, beaucoup des choses qu'il possède, hein, il n'a même pas un contrôle total de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Donc il dit, donc dans ce cas, de croire en Allah, c'est-à-dire de croire en le fait qu'il est le Seigneur, qu'il est le Créateur, qu'il est le Maître de toutes choses et qu'il est celui qui contrôle tout ce qui se produit dans sa création et dans l'univers. Le cheikh, il dit ensuite: wa qawluhu wa nu'minu bi uluhiyyati Allah ta'ala ay bi annahu al-ilah al-haq. Donc ça, c'est la suite de la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. وَنُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَةِ اللَّهِ تَعَلَىٰ أَيْ بِأَنَّهُ الْإِلَهُ الْحَقِّ. Et l'explication, ou bien la traduction de cette partie-là, c'est-à-dire, yani, on doit croire en la uluhiyya d'Allah. Donc comme vous pouvez le constater, le cheikh, il est en train d'expliquer les catégories du tawhid en fait. Hein? Parce que le tawhid, c'est basé sur les trois choses. De croire en la rububiyya d'Allah, de croire en la uluhiyya d'Allah et Al-Asma al-Sifat. On va voir après, il va mentionner Al-Asma al-Sifat. Les noms et les attributs d'Allah. Mais Al-Uluhiyya, c'est quoi? Al-Uluhiyya, c'est le droit que Allah a d'être adoré et qui est un droit exclusif à lui. Hein? Que personne d'autre que lui n'a le droit, hein, d'être adoré. Personne n'a le droit d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son droit exclusif. Donc il explique ici, il dit قوله ونؤمن بألوهية الله أي بأنه الإله الحق هذا توحيد الألوهية والإله معناه المألوه الإله بمعنى المألوه وهو فعال بمعنى مفعول أوكي الإله بمعنى المألوه بمعنى المألوه hein? Donc c'est comme يعني la forme d'origine du mot ilah, c'est fi'al, mais le sens qu'il a, c'est pas le sens de fi'al, c'est le sens de maf'oul. C'est pour ça qu'il dit que c'est al-ilah بمعنى المألوه. Parce que al-ma'louf, c'est al-maf'oul. Hein? C'est la forme de al-maf'oul. Maf'oul, c'est l'objet. C'est l'objet, c'est ce qui, hein, reçoit l'action ou qui subit l'action. D'accord? Donc, fi'al, bima'na al-maf'oul. Et donc, il explique. Il dit, wa fi'al bima'na maf'oul taridu kathiran fil lughat al-arabiyya. Hein? Mithlu ghiras bima'na maghrous. وبناء بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش وكتاب بمعنى مكتوب الكتاب بمعنى المكتوب يعني parce qu'il y a des choses écrites dedans. Donc on dit kitab, c'est la forme fi'al, kitab, fi'al, mais c'est dans le sens de maktoub. Le cheikh il n'a pas mentionné cet exemple, mais c'est connu, dans d'autres livres il l'a mentionné. Et ici, il dit fi'al bima'na maf'oul. Il donne d'autres exemples. Il a mentionné firash. Al-firash bima'na mafrouch. Firash, c'est le tapis. Bima'na mafrouch, ou bien le lit. Et yani ghiras bima'na maghrous. Ou bina. Le bina, c'est le bâtiment. La construction bima'na mabni. Qu'est-ce qui a été construit? Donc c'est la même chose. Ilah bima'na ma'louh. Al-ma'louh, c'est qu'est-ce qui est adoré. Ok? C'est de là que vient l'origine du mot ilah et sa signification. C'est de là. Al-uluhiyya, ça vient de al-ilah. Et al-ilah, ça veut dire al-ma'louh. Ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Et comment on peut expliquer qu'au lieu de dire al-ma'louh, on dit al-ilah? C'est parce que c'est une forme transformée. Ok? Au lieu de dire fi'al, on dit maf'oul. Au lieu de dire maf'oul, on dit fi'al. Comme par exemple, kitab, on dit pas maktoub, on dit kitab. On dit pas maktoub. On dit pas ça, c'est un maktoub. On dit c'est un kitab. Eh ben, c'est ça. C'est ça l'explication, en fait. Dans le sens de celui qui est maf'oul. C'est l'objet, celui qui reçoit celui qui reçoit l'adoration. Donc si on parle de qu'est-ce qui se passe concrètement dans le monde actuellement et avant, dans le passé également, si je te demande par rapport à la compréhension de la parole de la ilaha illallah, quand on dit la ilaha illallah, ilah, on a dit que ça veut dire al-ma'louh. Ilah, c'est qu'est-ce qui est adoré. Donc quand Allah dit la ilah, ça veut dire qu'il n'y a pas de chose adorée. Illallah, excepté Allah. Ilah, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. La chose adorée, l'objet adoré. Al-ilah, bima'na al-ma'louh. Al-ilah, huwa al-ma'louh. Ok. Al-ma'lou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Donc quand tu dis il n'y a pas de chose adorée, la ilah, il n'y a pas de ma'lou, illallah. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Non, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah? C'est faux. C'est ça, parce qu'il y a des choses qui sont adorées dans l'univers par des êtres humains autres que Allah. Donc, la ilaha illallah, dans le sens de la ma'lour, hein, la ma'bout illallah, c'est pas le sens complet de la ilaha illallah. Il y a quelque chose qui est sous-entendu dans cette phrase qui n'est pas écrite explicitement mais qui est sous-entendu dans la signification, et c'est de rajouter la ma'bouda bihaqqin illallah bihaqq. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes pas bihaqq, ça fait pas de sens la phrase la ilaha illallah. Si tu rajoutes pas bihaqq, la ma'bouda bihaqq illallah, le sens il n'est pas correct, hein? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des êtres humains qui adorent des arbres, qui adorent des pierres, qui adorent des anges, qui adorent des djinns, qui adorent des prophètes, qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent les étoiles, qui adorent des tombes, qui adorent des saints, qui adorent toutes sortes d'argent, hein, qui adorent yani, toutes sortes de choses, même des animaux ils adorent, la vache, les singes, les rats, hein, tout ce qui marche sur quatre pattes, ils l'adorent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signification de la ilaha illallah, pour qu'on la comprenne correctement, il faut comprendre que quand on dit la ilaha illallah, il faut rajouter bihaq. C'est-à-dire, il n'y a rien, parmi ces choses que les êtres humains adorent, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là que les êtres humains adorent n'ont pas, hein, les attributs et les noms de perfection et les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui possède les attributs et les plus beaux noms et les attributs de perfection, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah le créateur. C'est seulement Allah le maître. C'est seulement Allah le Mudabbir, celui qui contrôle tout. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître de toutes choses. Donc c'est seulement lui qui mérite d'être adoré. Les autres choses qui sont adorées par les hommes dans l'univers, ils ne possèdent pas ces qualités-là. Ils ne possèdent pas ces attributs-là. Donc si tu les adores, tu les adores dans le mensonge, dans la fausseté. Hein? C'est dans ce sens-là. Et donc le cheikh, c'est ça qu'il explique ici. Al-ma'boud, hein? Al-ma'boud, c'est un synonyme de ma'lou. Donc quand tu dis al-ilah, ça veut dire al-ma'lou. Et donc ça veut dire que al-ilah, c'est la signification de al-ma'boud. Donc qu'est-ce qui est adoré? C'est pour ça qu'on dit des fois tawhid al-uluhiyya et parfois on dit tawhid al-ibada. Hein? Des fois on dit tawhid al-ibada. Pourquoi? Parce que l'ibada et al-uluhiyya ont la même signification. Uluhiyya et ibada, c'est la même chose. C'est le même sens. Al-uluhiyya ou al-ibada. Les deux, ça veut dire la même chose. Donc quand tu dis al-ilah, c'est al-ma'lou. Ma'lou, ça veut dire al-ma'boud. D'accord? Ok. Après, le cheikh dit fa'ilahun بمعنى مألوه ومعناه المعبود تذللا ومحبة. Donc le مألوه إله, ça veut dire, ça vient de, c'est employé dans le sens de المألوه qui signifie ce qui est adoré par humilité et par amour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores par humilité, c'est-à-dire en te soumettant à lui et en amour pour lui, par amour pour lui. C'est ça l'adoration. Et il dit: فَقَدْ يَعْبُدُ الْإِنسَانَ الشَّيْءُ وَلَكِنْ لَيْسَ تَذَلُّلًا وتعبدا له ومحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة ولكن تعلق قلبه به جعله كالعابد له. Donc le cheikh il donne l'exemple que quelqu'un peut, un être humain peut adorer une chose, mais il ne l'adore pas avec humilité, et il ne l'adore pas avec amour, il ne l'adore pas avec soumission. Et il donne l'exemple du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui adore l'argent périsse, que celui qui adore l'or périsse, que celui qui adore les beaux vêtements périsse. C'est-à-dire, il adore ces choses-là parce que son cœur est accroché à ça, mais et donc ça fait en sorte qu'il est devenu comme si il adorait ces choses-là. Et il dit, donc c'est ça, وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٍ. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Donc il y a d'autres choses qui est adoré autre que Allah. En réalité, quand tu dis, quand les kuffars ils disent par exemple, ils emploient le terme pour désigner Dieu, et pour eux Dieu ils appellent n'importe quoi Dieu. Ils vont appeler n'importe quel objet, ils l'appellent Dieu. Et même des fois, ils disent, par exemple, le Dieu de ci, le Dieu de ça, le Dieu de... le Dieu de la musique. Le Dieu de... Ouais, le Dieu de la musique. Quand quelqu'un, par exemple, il fait de la musique, ou il chante bien, ou il fait de la bonne musique, ils disent de lui qu'il est comme un Dieu. Des fois, ils vont même appeler... Par exemple, les Grecs, ils avaient un dieu pour chaque chose. Le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de ci, le dieu de ça. Parce qu'ils donnaient à des créatures des attributs divins. Le dieu de la mer, le dieu du ciel, ou je sais pas quoi. Mais le cheikh il explique, il dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est batil. Des fois les gens ils adorent des astres, ils adorent des étoiles parce qu'ils voient que c'est des choses qui sont dans le ciel, qui c'est lumineux, c'est grand, donc ils les adorent. Ils adorent parfois des animaux, comme les hindous par exemple, ils adorent des vaches, ils adorent des singes, ils adorent des rats même. Ils adorent même les parties génitales de leur divinité. Ça, tu le vois ça dans leur religion. Le lingam, les hindous, ils adorent lingam. Lingam, c'est une divinité en forme de phallus. C'est l'organe sexuel mâle de leur divinité qu'ils adorent. Et ils adorent aussi une autre divinité qu'ils appellent yogi. C'est l'organe génital femelle de leur divinité. Et ils adorent ces choses-là. Ils adorent la divinité et ses organes génitaux. Donc c'est pour dire, les êtres humains, ils sont capables d'adorer n'importe quoi. Ils sont capables d'adorer n'importe quoi. C'est pour ça que quand tu dis que eux, ces gens-là, en réalité, pour eux, leur ilah, c'est quoi? C'est ces choses-là. C'est ça leur ilah. C'est ça leur ma'boud. Leur ma'boud, leur ilah, c'est ces choses-là. Même quelqu'un peut même prendre un stylo, il dit ça c'est moi, ça c'est ça que j'adore. Il le met ce stylo dans son cou, il l'accroche ici. Il dit ce stylo il est béni. Il a été touché par un homme pieux, un saint, un grand homme. il a mis dedans son sa baraka. Alors quand je le mets sur moi, il me protège, ce stylo. Si quelqu'un il met ça, il croit en ça, il a adoré son stylo. Son stylo est devenu pour lui sa divinité. Ça veut dire que hein, c'est son ilah, c'est devenu son ilah. Hein? Et ça c'est batil. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est batil, est faux. Okay? C'est pour ça que quand certains égarés, certains ignorants parmi les musulmans, ils disent « Mais pourquoi vous dites que les koufars sont koufars ?» Ils croient en quelque chose. Hein? Ils croient en quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'ils ne croient pas. Ils croient. Oui, ils croient en quelque chose, mais ils croient en le faux. La chose en quoi ils croient, elle est fausse, cette chose. Donc, ils ne sont pas des croyants. Parce qu'être un croyant, ce n'est pas de croire en une chose quelconque. C'est de croire en quelque chose de spécifique et en particulier de croire en la vérité, pas de croire en qu'est-ce qui est faux. Si tu crois en qu'est-ce qui est faux, ça fait pas de toi un croyant. Un croyant, c'est de croire en qu'est-ce qui est vrai. Si tu crois en qu'est-ce qui est faux, ça veut dire que tu es dans l'égarement, t'es pas sur la vérité. Le cheikh il dit donc, on va lire comment ils ont traduit ça dans la traduction. Ils disent: nous croyons en la uluhiyya d'Allah, le Très-Haut, c'est-à-dire qu'il est le seul vrai Dieu, Ilah, sans associer dans sa divinité, si bien que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas de l'être. Hein? Tout ce qui est adoré, kul ma'bud siwahu batil, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Hein? Donc ils l'ont traduit un petit peu différemment de ce qui est écrit, mais le sens est vrai quand même. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? On va lire la traduction, on va lire l'explication de Cheikh. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il a interprété comment il a expliqué cette phrase-là ou ce paragraphe-là? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit à propos de ça que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Il dit: ودليل هذا قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فما يعبد من دون الله فإنه إله لكنه إله باطل ومجرد تسمية كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها والدليل على أنها آلهة أن الله تعالى سماها آلهة فقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لكنها ألوهية باطلة وهي مجرد اسم ولهذا قال المؤلف وما سواه باطل والدليل على هذه الجملة قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Donc le cheikh il explique ici que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le faux. Hein? Et la preuve de ça c'est dans le verset 18 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges témoignent de cela, et ainsi que les hommes de science établis en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré autre que lui. Il est le Tout-Puissant et le Sage. Il mentionne ensuite une autre chose. Il dit: tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on peut l'appeler Ilah. On peut l'appeler Ilah. Pourquoi? Parce que Ilah, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Mais c'est adoré dans le faux. Hein? C'est pas parce que la chose est adorée qu'elle est vraie. Et c'est pas parce qu'on l'appelle Ilah que c'est quelque chose qui est adoré et qu'elle mérite d'être adorée. Non. Si c'est pas Allah, alors c'est faux. Et c'est adoré, mais c'est adoré dans le faux. C'est juste une appellation, un nom, hein, que ces gens-là adorent. Tu vois, par exemple, les Haïtiens, par exemple, les Vaudouisans, ils adorent des lois. hein, et il prie à ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est de l'adoration dans le faux. Ils adorent des esprits, comme des djinns. Les lois, ils les appellent lois. L-O-A, oui, lois. Hein? Ils les adorent. Hein? Quand ils font, par exemple, les vaudouisants, là, les prêtres vaudous, là, font des cérémonies. Et puis là, ils rentrent en transe. Ils se font posséder par les lois. En fait, c'est les djinns. Et ils rentrent dans leur corps, ils leur font faire toutes sortes de choses. Et ils demandent, par exemple, quand ils demandent quelque chose aux lois, aux djinns, ils demandent quelque chose, le loi, il demande quelque chose en retour, en échange. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Ok, si tu veux cette chose, en échange, tu dois me donner ça, ça, ça, ça, ça. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'adoration d'autre que Allah. Mais les gens, ils pensent que parce qu'ils n'adorent pas une statue, que c'est pas du shirk. Ils pensent que le shirk, c'est juste l'idolâtrie, c'est juste avec les statues. Mais si quelqu'un, il adore un être humain ou un esprit, quelque chose d'invisible, que ça, c'est pas du shirk. Oui, c'est du shirk aussi. Hein? Depuis que tu adores d'autres choses que Allah, c'est du shirk. C'est du kufr. Hein? C'est quelque chose qui te fait sortir de la foi. Donc ici, il dit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on peut l'appeler ilah, mais c'est faux. C'est une divinité, ou c'est une chose qui est adorée et qui est fausse. C'est juste un nom, hein, une appellation comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23 dans Surah An-Najm, ce ne sont que des noms que vous avez appelés. Hein, des noms que vous avez donnés à ces êtres ou à ces statues ou à ces choses que vous adorez, des noms. Et donc c'est juste des noms en réalité qui n'ont aucun pouvoir, aucune réalité, qui n'ont rien créé du tout, qui n'ont pas aucune capacité de faire du tort à quelqu'un ou de nuire à quelqu'un ou de faire du bien à quelqu'un. Et donc la preuve que ce sont des divinités et qu'on peut les appeler des aliha ou des ilah, c'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il appelle les choses que les mouchriquins adorent, il les appelle des aliha. Le pluriel de ilah, c'est aliha. Donc un exemple de ça, le verset 101 dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. C'est-à-dire les divinités, les aliha qu'ils adorent en dehors d'Allah ne peuvent leur aider en quoi que ce soit. Hein? Ils peuvent les aider en rien. Et dans un autre verset, le verset 88 dans Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: La tad'u ma'a Allah ilahan akhar. C'est-à-dire, n'invoque pas avec Allah une autre divinité, une divinité autre. N'invoque pas avec Allah une ilah autre. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Donc, t'as pas le droit d'adorer autre que Allah et t'as pas le droit d'adorer quelque chose avec Allah. Mais, c'est des ilah qui sont fausses, même si on les appelle ilah. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est comme si, par exemple, tu appelles quelque chose Dieu. Tu dis de quelque chose que c'est un Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est vrai. C'est un faux Dieu. Hein? C'est un Dieu, mais il est faux. Il ne mérite pas d'être adoré. Hein? C'est seulement un nom. Et c'est pour ça que l'auteur, dans le livre, il dit, tout ce qui est en dehors d'Allah et qui est adoré est faux. Et la preuve, c'est dans le verset 62 dans Sourate Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça de façon explicite. Il dit: et ceci parce que Allah, c'est lui la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Hein? Ça veut dire en arabe: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. D'accord? Donc, maintenant on a parlé de Ar-Rububiyya et on a parlé de Al-Uluhiyya. On a parlé donc des deux premiers principes ou les deux premières catégories du Tawhid. Et la prochaine catégorie, c'est la catégorie de Al-Asma wa Sifat. Et le cheikh, là, on voit qu'il veut rentrer dans cette question-là. Et on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته